Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arved Barine, chapitre 16. De l'élection des premiers ministres et comment ils furent envoyés par le monde. 11 années se passèrent ainsi, les frères s'étaient accrus en nombre et en mérite. On choisit alors des ministres et on les envoya avec quelques frères dans presque toutes les régions du monde où règne la foi catholique. Dans quelques provinces, on les recevait, mais on ne leur permettait pas de construire des habitations. Dans d'autres, on les expulsait, de peur que ce ne fussent des infidèles. En effet, quoique Monseigneur Innocent III eût approuvé leur ordre et leurs règles, ainsi que cela a été dit, il n'avait pas confirmé cette approbation par un bref. Aussi les frères eurent-ils à souffrir bien des tribulations de la part des clercs et des laïcs. Obligés de s'enfuir de diverses provinces, tourmentés et persécutés, quelquefois abattus et dépouillés par des brigands, ils revenaient vers François pleins d'amertume. Ils avaient éprouvé ces souffrances dans presque tous les pays ultramontains, tels que l'Allemagne, la Hongrie et beaucoup d'autres. Le cardinal en ayant été informé, fit venir à Rome le bienheureux François et le mena à Monseigneur le pape Honorius, car Monseigneur Innocent était mort. Il fit approuver solennellement par le pape Honorius une nouvelle règle que François avait écrite sous l'inspiration du Christ. Dans cette règle, les époques des chapitres avaient été espacées, afin d'épargner des fatigues aux frères qui habitaient des régions lointaines. Le bienheureux François demanda à Monseigneur le pape Honorius de lui donner un des cardinaux de l'Église romaine, et de préférence le cardinal d'Ostie, pour être comme le père de l'ordre, afin que les frères puissent recourir à lui pour leurs affaires. Il avait eu une vision qui l'avait peut-être amené à demander ce cardinal pour protecteur, et à recommander l'ordre à l'Église romaine. Il avait vu une petite poule noire qui avait les cuisses couvertes de plumes, avec des pattes semblables à celles d'une colombe domestique. Cette poule avait tant de poussins qu'elle ne pouvait les rassembler sous ses ailes, et la plupart tournaient tout autour d'elle. À son réveil, il se mit à réfléchir à cette vision, et il connut par le Saint-Esprit qu'il était représenté par la poule. Et il se dit, « C'est moi qui suis cette poule. Comme elle, je suis de petite taille et de teint noir. Je dois être simple comme la colombe, et m'envoler vers le ciel sur les ailes des vertus. Dieu, dans sa miséricorde, m'a donné et me donnera beaucoup de poussins, que je ne puis protéger par ma propre vertu. Il faut donc que je les recommande à la Sainte Église, qui les rassemblera sous ses ailes, les protégera et les gouvernera. » Quelques années après cette vision, il vint à Rome et alla voir Monseigneur d'Ostie. Celui-ci lui ordonna d'aller avec lui à la curie le lendemain matin, voulant qu'il prêchât devant le pape et les cardinaux et leur recommandât son ordre. François eut beau s'excuser et déclarer qu'il était homme simple et ignorant, il lui fallut aller à la curie avec le cardinal. Quand le bienheureux François parut devant le pape et les cardinaux, ils eurent grande joie à le voir. Il prêcha devant eux sous la seule inspiration du Saint-Esprit, et, après avoir terminé, il recommanda son ordre au pape et à tous les cardinaux. Ceux-ci furent très édifiés de ses discours, et leurs entrailles s'émurent d'une affection encore plus vive pour l'ordre. Le bienheureux François dit alors au souverain pontife, « Seigneur, je compatis aux soucis et aux fatigues continuelles que vous impose votre vigilance pour l'Église de Dieu, et je suis confus que vous ayez tant de soins et de sollicitude pour nos frères mineurs. Quand beaucoup de nobles et de riches et de religieux ne peuvent pénétrer jusqu'à vous, nous qui sommes les plus pauvres et les moindres d'entre les religieux, Nous devrions être remplis de crainte et de confusion, non seulement d'avoir accès près de vous, mais même de nous tenir devant votre seuil et d'oser heurter à la porte du tabernacle des vertus chrétiennes. Aussi nous supplions humblement votre sainteté de daigner nous accorder pour Père Monseigneur d'Hostie, afin que les frères puissent recourir à lui en cas de besoin, sous réserve de votre autorité et de votre dignité prééminente. Monseigneur le Pape agréa la demande du bienheureux François et institua Monseigneur d'Hostie comme protecteur de l'ordre. Celui-ci, ayant reçu les commandements du pape, prit en main la défense des frères, et, en bon protecteur, il écrivit à beaucoup de prélats qui les avaient persécutés, et leur recommanda de ne plus se montrer contraire aux frères, et de donner appui à ceux qui viendraient dans leur diocèse pour y demeurer et y prêcher, comme à de bons et pieux religieux approuvés par le Saint-Siège apostolique. Beaucoup d'autres cardinaux écrivirent de même. Dans le chapitre qui suivit, le bienheureux François donna aux ministres la permission de recevoir des frères, et il les envoya dans les diverses provinces, avec des lettres des cardinaux, et la règle approuvée par bulle apostolique. Les prélats, voyant ces lettres et convaincus par les témoignages que montraient les frères, leur permirent libéralement d'habiter, de bâtir et de prêcher dans leur diocèse. Beaucoup de gens, voyant leur humble et sainte manière de vivre, et entendant leurs paroles qui remuaient doucement les cœurs, les enflammaient d'amour pour Dieu et les amenaient à la repentance, vinrent à eux et prirent l'habit de l'ordre avec ferveur et humilité. Le bienheureux François, voyant la confiance et l'affection que témoignait à l'ordre Monseigneur d'Hostie, lui rendait du fond du cœur une affection égale. Et, sachant par une révélation de Dieu que celui-ci serait pape, il le lui annonçait souvent dans les lettres qu'il lui adressait, l'appelant père du monde entier. En effet, il lui écrivait en ces termes, « Vénérable Père en Christ du monde tout entier ». Peu de temps après, Monseigneur le pape Honorius étant mort, l'évêque d'Hostie fut élu souverain pontife et prit le nom de Grégoire IX. Jusqu'à la fin de sa vie, il fut le bienfaiteur et le protecteur des frères, ainsi que des autres religieux, et surtout des pauvres du Christ. Aussi pense ton nom sans raison qu'il est aujourd'hui au nombre des saints. Marc M. Dan, Archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial partage à l'identique.